C'est quoi la vie? C'est le temps que nous on meurt pas. C'est le temps jusqu'à qu'on meurt. La mer, ça me calme. L'écume, ça me calme. La mer, ça me calme. Te voir, ça me calme aussi. Je marche pieds nus dans le sable. Je regarde les vagues me regarder. Je vois un monsieur allongé sur sa serviette chaude. Il me lance un regard étonné. La mer, ça pèse une tonne. La mer, ça pèse une tonne. Je rentre à l'appartement, je vois mamie qui est débordée sur son fauteuil. Les larmes coulent sur ses joues, je lui dépose du sopalin. Pour estomper sa peine, mais elle me regarde malheureuse. Elle veut faire des économies, mamie, des économies, mamie. Sur les trottoirs, y a des chewing-gums, des empreintes et des crachats. Des chewing-gums, des empreintes et des crachats.